La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faudrait être toujours prêt à donner et à recevoir. À force de se laisser tripoter par tous les malaises, on oublie de flatter la réalité. Ouais, mais là, elle sera pas flattée aujourd'hui, la réalité. Effectivement, elle se fera massacrer! Parce qu'il faut la prendre, la constructer! Comment? La constructer! OK. La tordre! Il faut se tordre devant cette réalité! Et surtout devant... Monsieur le Président, messieurs les pas trop cathodiques, mesdames les voluptés, et vous... Chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission Errance et Rénaldienne. C'est pas ça qui est écrit! Oui, ben je fais de l'improvisation, moi là. Je suis un professionnel d'improvisation. En 1993, là, j'ai joué avec les plus grands improvisateurs de la planète. Pardon. Attendez, là, on n'a pas le décolleur, on a perdu le bout de la fin. La planète. Et comment? La planète. Elle est belle, la planète. Ah, oh, cette planète-là! Ben oui, mais il y a juste une planète! Non. Il y a d'autres individus intelligents ailleurs sur la stratosphère. Ouais, mais là, que t'oublies les intraterrestres! Ah oh, oui, mais... ouais, mais eux autres sont méchants! Ils sont hypocrites! Ils se cachent en dessous de la Terre! Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous regardent les pieds. J'espère qu'ils ont... c'est pas Odorama. Ah, ben, pour certains, sans doute. Hein. Moi, on m'a dit que Rachel, là, elle avait pas juste des beaux petits pieds. Comment ça? Elle avait l'odeur qui allait pas avec ses beaux petits pieds. Oh, mais mon Dieu. C'était pas propre, sa femme-là. Ben, elle est pas encore morte, là, sauf que si... si elle se retrouve seule dans son lit et qu'elle remonte les couvertures, elle risque de s'endormir pour la vie. Hey, ça, c'est pas drôle. Il y a rien de drôle là-dedans. Ouais, c'est plus Odorama. Non, c'est mortifiant. Mortifiant. Ah, hey, t'as-tu reconnu Mortifiant Tremblay? Moi, là, sa mère m'avait déjà dit que ce gars-là, c'était un individu qui était socialement intègre. C'est-à-dire? Ben, socialement intègre. C'est-à-dire que c'était un homme que tu pouvais parler à qui tu croyais pouvoir parler... Comment ça? Ben, c'était une illusion. Comment ça, une illusion? C'était une sensation, c'est-à-dire qu'il n'existait pas. Mais oh non. Hey, ça me fait peur. Ça, là, c'est pas comme on appelle dans le milieu de la psychologie, là, la psychologie, un fantôme! Il n'y a jamais eu de fantôme. Comment ça? Les fantômes ont été inventés par les hommes. Oh, pas comme les dieux! ben, la même, ouais, c'est la même catégorie, fantôme, dieu, là. Et moi qui suis pris sous le cercle de l'exorcisme depuis bientôt 33 ans. T'as pas 33 ans? Oh oui, aujourd'hui, ce soir, là, 20h32, j'ai 33 ans. Oh, demain, quel âge t'auras? 158 ans. Oh, ça change, hein? Ça se modifie. Ça dépend de la vie. Hein? Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si... Comme vous l'avez vu, vous l'avez entendu, parce que vous voyez pas, vous, là. Mais moi, je voyais avant C'est quoi RL, moi, là. Mais j'ai vendu... Ben, je vois plus parce que c'est pas C'est quoi RL qui me diffuse plus d'images. C'est moi qui ai changé ma radio. Comment ça, vous avez changé votre radio? Ben, je vais te raconter ma vie un peu, là, mais c'est sous le couvercle de l'anonymat. Oui, ben, le couvercle est déjà plus anonyme, là. Ben, moi, j'aimerais bien que ça reste. OK. Là, écoutez, vous me l'avez demandé. Ben, je te le demande, là, à genoux. Ben, est-ce que vous pouvez, premièrement, vous mettre à genoux? Je me mets. Eh ben, voilà. Aïe, donc, mes rhumatismes, hein. J'ai 4 ans, bordel, voyons. Oh, voilà, je te l'éprouve. Bon, d'accord. Eh, mais monsieur, on n'a pas le temps. Alors, relevez-vous. C'est juste pour faire votre exercice de la semaine. Oh, mon Dieu, mon petit calopin. Non, c'est transpotin. Transpotin, non, c'est transpotting. Ouais, transpotting. Personne, qu'est-ce que ça veut... Ils savent pas, là, qu'est-ce que ça veut dire, transpotting. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Relevez-vous! Ben, j'aimerais bien ça, mais je suis plus capable, moi, je suis bourré à 40! Et remettez-vous à 36, là, puis là, le 4 qui vous... 40, 36, le 4 qui vous manque, là, extirpez-vous vers le devant en restant dans le derrière. Aïe, non! Aïe, c'est une position, c'est strextruel! Mensuel! Oui, c'est une position mensuelle. Oh, bon, je peux pas aller plus loin que ça, moi, là, 39... Non, il faut 36, sinon vous allez rester crampé le même jusqu'à la fin de l'émission, puis moi, je vous tolère pas ici, moi, là. On barre la station quand c'est mon émission, là. Il y a des gens qui veulent venir me voir, m'embrasser, me toucher, je veux rien savoir de ça, mais quand vous allez vous lever, puis vous en allez, moi... Mais je suis plus capable. Mais, plus capable, c'est pas dans le dictionnaire. Regardez, plus capable. Est-ce que ça existe, plus capable? Capable existe, mais plus capable. Plus capable, non. Mais plus capable non plus. Ben, ça existe pas, c'est pas dans le dictionnaire, plus capable. Vous avez toujours raison. Vous me faites mal à la tête. Je pense que je vais prendre mes comprimés. Ouais, dites pas la marque. La semaine dernière, on s'est mis dans l'eau chaude. Ça nous a coûté 250 000 piastres parce qu'on a dit bouillon de bœuf. OK, ben, bouillon de bœuf. Non, mais on a dit la marque du bouillon de bœuf. Oh, mon Dieu, pas Beauvril. Hey, lâche-moi! 250 000 piastres de plus! L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal Gagné, avec une pute, rien n'est facile. Rarement leur explication... La liaison, leurs explications. Rarement leurs explications se relatent au présent. Elles mêlent l'impératif, le subjonctif et le préservatif. Le préservatif, ben oui, subjonctif, préservatif. Je ne comprends pas. Allume! Allume-toi! Lâche la veilleuse, puis amène la torche! La torche, ma mère, là, elle est pas disponible, elle est couchée. Non, pas la torche, la grosse lumière. Ben, c'est ça, elle est couchée. Ben, réveille-la. OK. Hey, la torche, réveille-toi, c'est... Avant que l'animal se déballe jusqu'à vous, nous tenons à vous mettre en garde. Tout en respectant le genre humain, jamais nous nous interdirons de dire quoi que ce soit. L'errance rénaldienne se veut avant tout multidirectionnelle, à travers un sentier noble et non édulcoré que l'on surnomme les mots, l'improvisation, dévissée de tout sens, pour, en bout de route, en réinventer une autre. Si en cours de route, des turbulences vous parviennent à travers des propos biscornus, des raccordements étranges, sachez que les personnages baroques collaborent à ce chaos anarchiste. Maintenant, préparez-vous à tout. L'errance rénaldienne se dessine. Les marins, c'est très tango, surtout quand il n'y a plus de bateau. Balance l'œil bleu, indigo, comme pour un slow. Vive ceux du Trocadéro, du musée Océano. Ah oui, ceux-là, c'est les plus beaux, c'est les plus chauds. Les mers, les océans, c'est mieux que la terre, et c'est plus grand. On doit s'y noyer, forcément, de temps en temps. Les mers, les océans, quand on se prend pour un goéland, un goéland, quand on se prend pour un goéland, on voit la vie différemment, quand on descend. Pour ça, les marins, c'est très tango, etc. Je crois que les gens n'aiment pas le son. Même le son de leur propre voix, ils ne l'aiment pas. À la radio, on peut encore rire un peu. À la télé, c'est plus... Ils n'aiment pas l'histoire, ils n'aiment pas leur histoire. Par contre, ils aiment raconter ou entendre des histoires au sens où on dit soit raconte-moi une histoire, soit arrête de raconter des histoires. Et l'histoire n'intéresse pas. Le son n'intéresse pas en tant que son. Je sais plus où je suis des fois. Des fois, je dis merde, il y a des gens qui sont là, il faut quand même que je fasse que. Non, je suis ailleurs. C'est bien. Ils doivent partir avec moi, c'est ça mon rêve, qu'ils partent avec moi. On est ailleurs, on oublie tout. On nous donne des haut-parleurs qui rejoignent des milliers, des millions de personnes. C'est une chance et un privilège que d'autres n'ont pas. Il faut que les chevaux sauvages de l'inspiration puissent tout détruire ce qu'on sait, toute sa culture classique, il faut que ça détruise tout, et puis que l'imagination, cette folle du logis, puisse jouer sa partie. Les amis, et rigoler, quand on peut, faut rigoler, faut rire. Je vous embrasse. Vous verrez mon corps actuel voler en éclats et se ramasser sous 10 000 aspects notoires, un corps neuf où vous ne pourrez plus jamais m'oublier. Antonin Artaud. Oui, il faut rire, Brigitte, tu as raison, il faut rire. Rire quand on a envie de pleurer. Prendre un train quand un bateau s'en va. La feuille, parce que ça froisse, faut pas froisser pendant que l'on chante. Pour ne pas rester seul sur le quai, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est là que j'aime ça. Ici, c'est la montée. Et même si tu restes tout seul dans ton lit, quand tu ventiles comme ça, là, vaut mieux rester seul. Et même si je me soudoie dans la nuit, tu te soudoies. Oui, je me soudoie, je me dis sous les draps, je me soudoie. Et même, ça s'est jamais chanté de même. Et même, parce que comment ça tu chantes ça comme ça? Ben c'est pas, l'auteur n'a pas voulu, il me l'a dit là. Moi je te censure ça pour Ginette, mais toi vas-y, c'est open bar. Une chanson open bar. Qu'est-ce que ça veut dire? Et même, ça veut dire ça, ça veut dire que tu parles. Lâche-moi, là, et même, là, toi, là. Et même, il est prêt à monter n'importe quand, lui, hein. Jean-Marc, descends-le, parce que là, et même, hey, monsieur. Hey, attends, vas-y, tu l'as, ton et même, vas-y. Et même, si tu... Non, ça peut... Et même, c'est pas et même, c'est amen. Amen. J'ai plus de voix, moi, là. Cassez la voix! Non, c'est pas casser ta voix, là, dans ton cas. C'est casser ta gueule. Cassez ma gueule! Ça sent bien. Cassez ma gueule! Hé, hey, en passant, attendez, avant de la casser, ma gueule, Madame Tremblay, OK? Avant que votre poing aussi virulent que votre bouche atteigne ma matière. Ma matière grasse. Je tiens à vous dire que je me suis procuré des lunettes anti-buée, puis actuellement, j'ai de la buée. Êtes-vous stimé? Ben, je m'estime que, pas chanceux, ça m'a coûté 100$ de plus pour une lunette qui stime. Qui stime? Ben, qui est embuée. Embuée. Ben, que de la buée. Embuée, c'est, embuée, c'est buée, hein. Buée. Ah, buée. Églo. Oh! Il est des nôtres. Ces lunettes sont embuées comme les autres. J'ai payé 100$ de plus. Vous vous êtes fait avoir, M. Gagné. Comme d'habitude, tout le monde se fait avoir dans la vie. Vous encore plus que les autres. Pourquoi moi plus que les autres? Vous êtes un ignorant. Oh, mon Dieu, ça fait mal actuellement, là. Ça fait mal. Mais vous avez peut-être raison. J'ai toujours raison. Oh! La personne qui a toujours raison. Je pensais que c'était Dieu qui avait toujours raison. Ah, oh, mais là, actuellement, c'est moi. Oh! Madame, mademoiselle, monsieur, je dois, en ce samedi 31 juillet 2010, vous avouer. Et là, on va le faire maintenant. Ben, on devait le faire après. OK, ben, si vous me le dites, on le fera pas là. Ben, quand tu vas le faire, là, tu me le diras. Ben, vous allez l'entendre quand je vais le faire. Ben, oui. Ouais, ben, ça, c'est tout à fait clair et précis. Ben, je me suis lavé les mains avec un antibactérien. Puis, je me demande si ça va. Tu sais, ça enlève toutes les bactéries. Suis-je une bactérie, moi, monsieur Tremblay? Ah, ben là, ça demande une recherche, là. Il faudrait que j'analyse votre peau. Ouais, mais moi, j'ai une peau plutôt trois épaisseurs. Est-ce qu'on vous a déjà demandé de vous essuyer dessus? Non. Vous avez pas trois épaisseurs. Comment ça? Les gens qui ont trois épaisseurs, les autres veulent très bien s'essuyer sur l'autre là, qui a trois épaisseurs. Ben voyons, je comprends absolument rien. Avez-vous trois épaisseurs? Ben je sais pas, j'ai l'épiderme, après ça c'est quoi, l'entrederme? Hey, ma limite, moi je participe pas à des quiz de gens intelligents, je suis un gnochon moi, M. Tremblay, je suis gnochon! Ça s'entend. Merci. Mais non, mais c'est quoi? C'est le derme, l'épiderme, puis ensuite? Ensuite, c'est de la peau. Je suis sûr qu'il y a des gens qui le savent, là, puis qui se torvent. On va l'appeler l'innocent, on va l'appeler. Non, appelez-moi pas. Ben, appelez-moi si vous voulez, mais je peux pas répondre maintenant, là, mais je vais... C'est pas vrai. Je sais très bien que le derme, l'épiderme, le triderme, le citriderme, et puis le stérilet. Le stérilet, c'est en dessous de la quatrième peau. Non, c'est pas du tout ça. Vous êtes un... Je suis un... Un quoi? Un monsieur. Alors, stérilet, c'est pas dans votre cas. Bon. Non, mais j'espère que c'est pas dans votre cas. Sinon, j'aurais bu un stérilet. Qu'est-ce que ça fait si tu bois un stérilet dans votre cas? Non, j'ai pas dit votre... Attention. C'est samedi, mon cher monsieur. Oui, ben, j'espère qu'on n'est pas dimanche. Sinon, je fais de la radio pour rien. Non, on est samedi. J'ai dit... Vous avez dit stérilet. Oui, stérilet. Votre cas, stérilet. Ben oui. C'est pas ça que j'ai dit, moi, là. Qu'est-ce que vous avez dit? Autre chose. Ben oui. Vous êtes en pleine confusion, comme la majorité du monde. Vous êtes un être confus. Et vous, Monsieur Gagné? Ben moi, je suis ce que je suis. Oh, c'est une chanson de Juliette. Oh, Juliette, Françoise ou Simone, quel que soit le nom qu'on leur donne, qu'elles soient petites ou grandes, cheveux raides ou frisés, j'ai toute envie de les embrasser. Mais hélas que Dieu me pardonne, mon cœur appartient à personne. Mon cœur, il t'étonne, il jupone, il bat, il stragonne, il m'agonne. Il s'abonne. Il s'abonne à quoi? Ben, il rentre Renaldienne sur Facebook. On peut s'abonner à mon émission, voyons, depuis à peu près 2 ans et demi. Facebook existe depuis? Ben, depuis des millénaires, depuis 1905, 1906. Il n'y avait pas d'ordinateur en 1905-1906. Ben, il y a Spoutnik. Spoutnik, c'est une fusée. Ben oui, c'est une fusée ordinée. Non, c'est pas... Non, vous avez mal lu. C'est pas une fusée ordinée, c'est une fusée ordinaire. Ordinaire, des fois, j'ai plus le goût de rien faire. Je prendrais de la bière, je fumerais des fumigènes. Hey! Oui. Peux-tu lire l'introduction? Ben, nous allons nous introduire maintenant. Oh, ça fait mal. Même Tremblay, tassez-vous. Monsieur Thibodeau, à gauche. Et puis vous, si vous pouvez léviter vers le haut. Aujourd'hui, le samedi 31 juillet 2010, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Comment? Notre quotidien. Comment ça, tu dis ça? Ben parce que j'essayais de pondre un œuf en même temps. Et puis, ça n'est jamais parvenu jusqu'à la... À la quoi? À la naissance de l'œuf. OK, au toulot de pète! À la naissance de l'œuf. Au toulot de pète! Comme vous dites. Au toulot de pète? Ben, à la naissance. Naissance dans le... Dans le sens de naissance. Hey, ouais, c'est dur à dire, hein? Toulot de pète! Là, c'est pas difficile, mais là, on est à la radio. Moi, je peux pas dire ça. Moi, je suis l'animateur. On va me mettre dehors! Mais t'es déjà dehors! Ben non, je suis à l'intérieur, là. Il y a deux vitres qui me... Ben, je sais pas. Premièrement, là, on vous a fait croire ça, mon cher ami. Mais c'est des lustres. Oh! Qui semblent des... Ah ouais, c'est comme des... C'est des tape-l'œil. Oh! Moi, j'ai connu tape sur la mâchoire, tape sur la gueule, mais des tape-l'œil. Ouais, mais ça existe pas. C'est comme si, mais c'est pas comme... Oh! Pouvez-vous répéter? C'est comme si, mais c'est pas comme. C'est pas comme, OK. Nous placerons cette semaine sous les projecteurs le chanteur belge le plus controversé de la semaine. C'est qui le plus controversé de la semaine? L'artiste, là, planétaire belge que l'on a twisté et qui m'a... Ça m'a plu, moi, ça m'a motivé. Hey, quand t'es un déficient cérébral comme moi, Mme Tremblay, Mme Thibodeau, Mme Jourdon, arrêtez de tourner votre sauce à spaghetti, ça va tourner dans l'eau! Mettez du jus de légumes, mettez des petites patates dans votre sauce à spaghetti, ça serait révolutionnaire, puis des oignons amplement, j'aime ça les oignons, moi. La maison des oignons! De l'ail, ça enlève tous les démons du midi! Même s'il est 22h50, dans 20h50 et une, ça enlève tous les démons! On s'étonnisse plus rien, y a-tu du monde là-dedans? Ils sont tous morts dans les oignons. Non, non, pas dans les oignons, dans l'ail, l'ail, l'ail, l'ail, l'ail, l'ail, l'ail. Non, mais c'est le chanteur le plus controversé actuellement en Belgique, c'est Plastique Bertrand. Après avoir avoué ne pas être l'interprète original de son tube « Ça plane pour moi », pour finalement se rétracter, là, ça là, c'est se dire oui et comme un tire-bouchon, rentrer dans la bouteille, de dire c'est pas vrai, on rebouchonne, le champagne n'est pas prêt encore actuellement. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, il y a encore de l'argent à suctionner. Oh, OK, ouais, c'est ça, c'est une question d'argent. Mais toute la suite, mon petit champion va te raconter l'histoire de la vie. Toute la société est une question d'argent. T'as pas d'argent, t'es rien, t'as de l'argent, t'es quelqu'un. Est-ce que tu t'appelles Clinton? M'appelle Gagné. Gagné, c'est pas gagnant, ça. Clinton, le mariage, hey, on nous dit entre 3 millions pis 5 millions pour un mariage chez les Clinton. Hey, y a comme une différence de 2 millions. Donne 2 millions à un Québécois, qu'est-ce qu'il va faire avec 2 millions? Il va en profiter. Ben, c'est ça. Comment ça, y a une bouche, hein? Y a une bouche qui n'arrive pas à dire que ça va coûter 5 millions. On dit entre 2, 3 et 5 millions. Il y a quand même, tabarde! Hey, il y a quand même quelques dollars de plus, là, hein, moi? Tu me donnes ça ici à CKRL, là, je redéfais la bâtisse, je remonte la bâtisse, je fais une image de CKRL. Hey, elle est belle, elle a 34 ans, avec des courbes exceptionnelles. C'est le plus bel âge pour une radio, 34 ans. Je lui donne, là, une superficie des plus... glorieuse! Donne-moi ça, 2-3 millions, moi, ta faire des... Hey, là, on sait pas, là, 2-3, peut-être 5 millions. Hey, 5 millions, il y a des 750 000 $ qui vont servir uniquement aux fleurs. 750 000 piastres de fleurs! Moi, je demande juste 2 piastres et demi, mettez-moi 3-4 pissenlits sur ma tombe, c'est assez! J'en veux pas plus, moi, je suis un crotté! Je fais pas partie de la hiérarchie, moi! La hiérarchie sert à valoriser le minable. Plus t'es en haut, plus tu veux te faire représenter comme étant l'élite. Mais dans élite, il y a élite, oui, vous avez raison. Alors donc, excusez, c'est une poussée de lait. Une poussée de lait, lâche-le le lait. Non, oui, oui, et maintenant le beau. Plastique Bertrand a publié, communiqué. Attendez, on va reprendre le... On peut-tu redescendre en première? On redescend, excuse-moi. Après avoir avoué ne pas être l'interprète original de son tube, Ça plane pour moi, pour finalement se rétracter, Plastic Bertrand a publié un communiqué qui, il espère, signera la fin de la polémique. Le chanteur a en effet tenu à éclaircir une dernière fois les choses. Quant à l'affaire qui l'oppose à Lou de Pjic... Avec un nom de même, c'est sûr qu'on revient contre le monde, hein? On est déjà frustré de s'appeler de même. Oui. Son ancien bras droit et son producteur, qui affirme avoir chanté l'intégralité des titres de Plastic Bertrand. Qui? Plastic Bertrand. OK. Plastic Bertrand... Comment il s'appelle? Plastic Bertrand, arrête! Hein? Plastic Bertrand. Hey, toi, là, m'a te mettre dehors! Plastic Bertrand tient à rappeler qu'il défend le titre « Ça plane pour moi » depuis plus de 30 ans sur la scène comme à la télévision et en voix directe, il chante ce titre. Il est le principal artisan du succès rencontré par ce tube planétaire. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous pendant le reste de la saison estivale autour des artistes que j'ai rencontrés dans le cadre de mon émission Errance rénaldienne. À la fin de chaque rencontre, je clôturais... Comment? J'allais dire je concluais. Mais c'est la même chose. C'est beau, ça, là. Prends l'initiative, on aime ça, nous autres, ici, à l'Errance rénaldienne. T'es un gars intelligent. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes monsieur? Je suis monsieur. Monsieur qui? Monsieur. Alors, merci, monsieur, d'accord. Alors, donc, à la fin de chaque rencontre, je clôturerai mes entretiens par 10 questions. L'intégralité de nos discussions vous seront présentées à la rentrée, et ce, pendant toute l'année. Vous êtes chanceux. C'est avant-goût. Comment ça, c'est après-goût? Ben non, c'est avant-goût. J'ai pas dit après-goût. Ben voyons donc, c'est dans les égouts de la nature. Ben non, j'ai dit, OK. Oui, je l'ai dit, mais là, c'est avant-goût. OK. Vous incitera à connaître le microcosme de ces artistes. Pour le temps d'un rendez-vous, ils s'abandonnèrent à des confidences et une générosité hors du commun. Tour à tour, vous entendrez Jean-Claude Dreyfus aujourd'hui, Agnès Bill, qui est chanteuse, Anne-Sophie Chahar. Premièrement, là, Jean-Claude Dreyfus, c'est un comédien, si vous ne le saviez pas. Agnès Bill est une chanteuse, Anne-Sophie Charon est une chanteuse, comédienne et illustratrice sonore de publicité. C'est-à-dire qu'elle fait... Et j'ai trouvé quand même ce terme-là de illustratrice sonore de publicité, parce que je voulais pas dire jingle, mais c'est elle qui fait « Chantez pour nous » à CKRL, le 89.1, la radio de Québec. C'est elle qui fait ça. Mais elle fait de la pub. Pierre Mikhalov, qui est un biographe et dramaturge. Yann Péchin, qui est un guitariste qui a joué pour Alain Bachung et qui joue actuellement pour Brigitte Fontaine, Jacques Higelin. Hubert-Félix Thiéfaine et Christophe Miossec. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe qui. C'est un être exceptionnel que j'ai eu la chance de voir pour la première fois à Montréal. Mais vous allez avoir cette rencontre incessamment et vous allez pouvoir faire des liens. Et plusieurs autres s'ajouteront tout au long de mes errances. Maintenant, laissons la chance aux chansons et attendons la montée improvisatrice, parce que c'est le temps, on sait pas s'il écrit « sleep » sur le sur le CD, il s'endort. Et puis en avant, l'émission. Oh oui, okay. Ça plane. Est-ce que c'est lui? On sait pas, c'est qui chante? C'est un drap, c'est un monstre? C'est un belge? C'est une frite? Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant, prends mon whisky quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo. Ooh.